22.8, observation. Faire plaisir. J'aime faire plaisir aux gens. Ta lettre m'a fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir de recevoir ta lettre. Les lettres font toujours plaisir. Ah, quel plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous voir. Notez que faire plaisir peut être utilisé avec deux plus infinitif. Ça fait plaisir de voir ça. Et avec un objet indirect. Ça fait plaisir aux gens. Ça leur fait plaisir.